Plage 5. La tablette, première partie. Je vous propose maintenant de faire un exercice qui vous permettra d'effacer un certain nombre de mémoires en alliant la puissance de Ho'oponopono à celle de la programmation neuro-linguistique. J'ai l'habitude de l'utiliser fréquemment avec les personnes que je traite et je peux vous affirmer que ces résultats sont incroyables. Vous pouvez y avoir recours pour travailler sur un domaine spécifique de votre vie qui ne vous satisfait pas ou bien pour une situation ponctuelle qui vous cause actuellement certains tourments. Mais aussi pour vous débarrasser de l'impact qu'un événement précis du passé peut encore avoir sur vous. Comme par exemple un accident, une dispute entre deux personnes qui comptent à vos yeux, ou bien même une agression ou une séparation traumatisante. Tout est possible. Alors que la PNL commencera par vous déprogrammer, Ho'oponopono effacera les mémoires résiduelles liées à cet épisode de votre existence ou celles qui sont rattachées à vos insatisfactions. Pour commencer, gardez les yeux fermés et respirez profondément. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Conservez le calme qui s'est installé en vous un peu plus tôt avec la plage 1. Grâce à votre respiration profonde, vous êtes toujours en contact étroit avec votre mental, votre subconscient, votre moi supérieur et le divin qui est en vous. À présent, visualisez-vous en train de vous saisir d'une tablette électronique. Au besoin, faites-le physiquement en bougeant vos bras et vos mains comme si vous le faisiez dans la réalité, mais gardez les yeux fermés. Positionnez-la devant vous. Allez calmement dans votre menu d'accueil et sélectionnez l'application Photo. Ouvrez-la et commencez à feuilleter vos photos en les faisant défiler une après l'autre à l'aide de votre index. Prenez plaisir à le faire et continuez à respirer profondément. Maintenant, apparaît une photo qui représente parfaitement l'événement ou le domaine que vous souhaitez traiter. Elle est emblématique du sujet qui vous importe. Par exemple, si vous vous sentez délaissé dans votre vie affective, vous pouvez vous visualiser seul, dans votre salon, ou bien à une table de restaurant. Si c'est un problème d'argent, votre photo peut représenter une lettre de créance que vous venez de recevoir. Faites confiance à votre imagination pour créer cette photo symbolique de ce qui vous préoccupe. Laissez-vous imprégner par cette image. Autorisez les sentiments qu'elle éveille en vous à remonter à la surface de votre conscience. Établissez un lien entre ce qu'elle évoque et votre ressenti. Peut-être s'agit-il de tristesse, de mal-être, d'angoisse, de solitude, de pénurie. N'hésitez pas à faire appel à vos cinq sens. Imaginez ou remémorez-vous l'odeur du lieu, le goût que vous avez dans la bouche. Observez, écoutez et touchez tout ce qu'il y a sur cette photo. À présent, sentez l'exaspération monter en vous, car vous en avez assez de vivre sous la dépendance de la situation figurant sur cette photo. Vos sentiments de ras-le-bol sont de plus en plus intenses et vous voulez que ça s'arrête. Rassemblez cette masse d'énergie bouillonnante et votre besoin de vous libérer au niveau de votre plexus solaire. Elle enfle, elle grossit petit à petit. Vous désirez vous débarrasser de tout ceci une bonne fois pour toutes. Et c'est pourquoi vous allez commencer par vous en prendre à cette photo. Allez dans le menu de la photo et sélectionnez l'icône « Modifier les paramètres ». Puis jouez avec les réglages de la photo. Enlevez-lui ses couleurs, mettez le contraste à zéro, réduisez sa luminosité, ajoutez des filtres qui la détériorent un peu plus. Ne vous gênez pas, faites-vous plaisir durant un moment. Esquintez-la autant que vous en avez envie. Plus vous la détériorez, et plus elle est ridicule. Pour un peu, elle vous donnerait presque l'envie de sourire. Si c'est le cas, ne vous gênez pas. Saccagez-la autant que vous le pouvez. Mais vous pouvez faire encore mieux. Vous allez réduire sa taille en la pinçant avec votre pouce et votre index, comme il vous arrive de le faire avec certains clichés de votre téléphone ou de votre tablette. Réduisez-la autant que vous le pouvez, jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus que quelques millimètres de diagonale. Voyez comme elle est minuscule à présent. Savourez cet instant. Gardez-la comme ça et retournez dans le menu de la photo. Sélectionnez la corbeille et cliquez sur « Effacer ». Sentez la joie que vous avez à faire cela. Votre tablette vous demande si vous êtes sûr de vouloir jeter cet élément à la poubelle. Sélectionnez « Oui ». Voyez alors votre minuscule et ridicule photo disparaître totalement de l'écran pour toujours. Sentez la libération que vous éprouvez au moment où vous regardez votre tablette, débarrassée de ce cliché et de tout ce qui s'y rattache. C'est terminé. Elle n'est plus là. Et tout ce qu'elle symbolisait de négatif a également disparu de votre vie. Vous vous êtes déprogrammé et libéré. Cette situation, ou bien tout ce qui pouvait être négatif dans le domaine que vous avez traité, est désormais anéanti. Il ne vous reste plus qu'à terminer le travail en effaçant les mémoires résiduelles qui y sont liées grâce à Ho'oponopono. Aussi, en conservant ce sentiment de liberté nouvellement installé en vous, dites à voix haute, avec fermeté, avec moi, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, avec l'aide de l'énergie divine qui est en moi, je nettoie maintenant toutes les mémoires qui se rattachent à cette photo. Je nettoie maintenant toutes les mémoires qui se rattachent à cette photo et à cette situation, des plus anciennes aux plus récentes, Maintenant, faisons ensemble votre nettoyage. Ne pensez à rien, n'attendez rien et ne demandez rien. Contentez-vous de nettoyer. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. À présent, laissez les choses se faire. L'univers saura vous montrer que votre déprogrammation s'est bien réalisée, notamment en faisant apparaître de la nouveauté dans votre existence. Ayez confiance en lui pour vous guider vers ce qui est bon pour vous et vers de bien meilleurs résultats que par le passé. Mais n'hésitez pas à refaire régulièrement cet exercice, car, comme je vous l'ai déjà expliqué, certaines mémoires sont enracinées profondément en nous et plusieurs nettoyages sont parfois nécessaires. Alors ne vous arrêtez pas en si bon chemin et persévérez. Si vous désirez arrêter ici votre séance de nettoyage, prenez le temps de revenir dans cette réalité. Ouvrez les yeux progressivement, quand bon vous semblera. Si vous souhaitez poursuivre, alors gardez les yeux fermés et conservez le calme qui s'est installé en vous.